soirée, c'est la météo tout de suite. Dominique, bonjour. Bonjour, et de belles éclaircies encore en perspective pour demain. Temps sec, ceci dit, les nuages vont s'épaissir au fil des heures et c'est en soirée qu'on verra apparaître une zone de pluie. Maxima 17 à 23 degrés. Vendredi, cette zone de pluie va s'évacuer et le temps redeviendra sec progressivement. Maxima en légère baisse, pour le coup, 15 à 19 degrés. Écoutez Vivacité, il est 17h. Beaucoup d'uniformes en même temps, même pour un commissariat, des policiers belges ont été arrêtés et interrogés par des policiers français pour une affaire de clandestins. On vous raconte ça dans un instant. Les étudiants en médecine qui ont réussi leur examen pourront tous passer en deuxième confirmation politique aujourd'hui de Jean-Claude Marcourt. Ils pourront s'inscrire en deuxième bac à la condition d'avoir évidemment réussi 45 crédits. Et cela vaut autant pour les étudiants en médecine que pour les étudiants en dentisterie. Vous utilisez souvent votre GSM à l'étranger. Bonne nouvelle, les frais de roaming seront supprimés bientôt pour l'Union européenne. La consommation moyenne d'alcool et de tabac diminue chez les jeunes en Belgique et plus généralement en Europe. Les jeunes sont-ils moins accros? Donc aujourd'hui, c'est la question que nous poserons à un responsable d'un Fort Drogue. En sport, Charleroi affronte un club amateur ce soir en 16e de finale de la Coupe de Belgique. Mais pas question de prendre ce match à la légère. Et puis nous ferons une petite visite en fin de journal, une visite de l'Expo 21 rue de la Boétie. Ça se passe à Liège. Le journal sur Vivacité, c'est avec Simon Gérard. Bonsoir Simon. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. On démarre ce journal par une histoire bien belge. Deux policiers d'Ypres, en Flandre, interpellés et interrogés par leurs collègues français. Oui, ça s'est passé hier soir à Armentières, dans le département du Nord. Les deux policiers belges ramenaient une quinzaine de migrants retrouvés dans un camion en provenance de Calais. Les képis français n'ont pas apprécié. Résultat, un interrogatoire de 4 heures par les policiers français et l'incompréhension Romain Bardet. Tout commence hier matin. Un routier vient d'entrer sur territoire belge. Il entend des bruits dans son camion. La police y découvre une quinzaine de clandestins et les policiers belges les emmènent à Ypres pour les interroger. Ces migrants, dont des mineurs, voulaient apparemment rejoindre l'Angleterre mais se sont trompés de camion. Mais la nuit tombant, les policiers d'Ypres, au lieu de les laisser partir, décident de les ramener le plus près possible du territoire français. Ce sera 50 mètres après la frontière, alors que cela n'est pas autorisé. De quoi provoquer leur arrestation par la police française. 3 à 4 heures d'interrogatoire à Armentières, sans vraiment d'explication, selon le commissaire Georges-Jacques de la zone de police de Ypres. Normalement, quand on est inculpé, on doit quand même savoir pourquoi. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent et du trafic de personnes. Hein. C'est simplement ramener les personnes, leur donner un petit coup de main pour rentrer à la place où ils voulaient aller. Hein. Du côté du commissariat d'Armentières, personne n'a voulu s'exprimer. Mais dans une réponse écrite, la préfecture de la région Hauts-de-France souligne que les autorités françaises réprouvent cette initiative belge non conforme aux pratiques habituelles de travail. Entre les lignes, on comprend que les Français accusent les Belges d'avoir voulu se débarrasser un peu facilement des clandestins sur le territoire du voisin. Au cabinet du ministre fédéral de l'Intérieur, Yann Yambon, on refuse ce soir de faire le moindre commentaire. Une histoire que vous raconte Robin Bardet. Les reçus collés pourront tous passer en deuxième médecine. Les étudiants donc qui ont réussi leurs examens mais qui ont été recalés au concours de fin d'année sont définitivement soulagés. Ils avaient déjà obtenu gain de cause en justice. Aujourd'hui, c'est le politique qui donne son feu vert. Écoutez Jean-Claude Marcourt, le ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils pourront s'inscrire en deuxième bac à la condition d'avoir évidemment réussi 45 crédits. Et cela vaut autant pour les étudiants en médecine que pour les étudiants en dentisterie. C'était logique. C'était la cohérence. J'avais dit la semaine dernière qu'il s'imposait de respecter le calendrier judiciaire. Le judiciaire a répondu, a donné son point de vue et il nous importe de le respecter. Ça ne veut pas dire que tous ces étudiants auront nécessairement un numéro inami à la fin de leurs études, malheureusement. Ça, il faut poser la question à M. Michel et à Mme De Bloch. C'est de leur responsabilité. Comme vous l'avez constaté, le fédéral, de manière unilatérale, prend des initiatives. Il crée la pénurie. Il crée aussi des problèmes de fonctionnement dans nos universités. C'est pour ça que j'en appelle au Premier ministre. Une interview réalisée par Rudy Hermans. Vous l'avez entendu, ce n'est pas donc la fin de cette saga. Ces étudiants ne sont pas en effet assurés de recevoir un numéro Inami une fois diplômés. Jean-Claude Marcoux renvoie la balle au fédéral. En bref, Verle Wauters et Hendrik Vuy claquent la porte de la NVA. Les deux députés frondeurs estiment qu'ils ne peuvent plus s'exprimer de manière indépendante. Verle Wauters et Hendrik Vuy avaient été mis de côté à cause de leurs déclarations dans la presse sur Bart De Wever. Au procès Westphal, incident en séance. La colère de l'avocat de l'ex-député Bernard Westphal. Maître Mayence proteste. Une photo a fuité dans la presse. Une photo du lit de la fameuse chambre d'hôtel. Le président a répondu à l'avocat. Vous pouvez saisir le conseil de déontologie. Le soulagement des boulangers, pâtissiers, verviétois. La tradition est respectée. Une étude scientifique a tranché. La tarte au riz peut rester à l'air libre et ce pendant 12 heures sans contamination. Rappelez-vous, l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, se demandait s'il ne fallait pas mettre cette tarte à base de crème et de lait au frigo. Un sacrilège pour les boulangers. Aujourd'hui, donc, fin de la saga, les boulangers obtiennent gain de cause et un petit coup de pub aussi. Ça a fait un impact considérable, mais elle était déjà connue depuis longtemps. Mais les gens avaient peur de ne plus en avoir, donc ils anticipent. La décision, on va prendre une tarterie parce que l'année prochaine, peut-être qu'on n'en aura plus. C'était Freddy Lambrette, le grand seigneur de la confrérie, la Vévrerie. Téléphoner depuis l'Italie ou l'Espagne, ça coûtera bientôt moins cher. Oui, les frais de roaming, ces frais supplémentaires lorsque vous utilisez votre téléphone dans un autre pays de l'Union, eh bien ces frais de roaming seront supprimés. Cela fait des mois que la Commission l'avait promis, mais le dossier traînait. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, avait d'ailleurs retiré la dernière proposition, estimant qu'elle était mauvaise. Alors cette fois, Anne Blanpin, que propose la Commission ? C'est un tout petit peu plus compliqué que la précédente proposition. L'objectif est toujours le même dans le chef de la Commission, permettre à vous et moi d'utiliser notre téléphone dans un autre pays de l'Union quand nous voyageons, mais éviter que certains petits malins achètent des abonnements moins chers en Bulgarie, par exemple, tout en vivant en Belgique. Dans un premier temps, la Commission avait eu une idée toute simple. Si vous êtes moins de 3 mois à l'étranger par an, votre opérateur ne peut pas vous imposer des frais de roaming. Au-delà de 3 mois, il peut faire ce qu'il veut. Une mesure qui a déclenché un tollé de protestations de la part des consommateurs. Aujourd'hui, la Commission revient à la base. Plus aucun frais supplémentaire si vous êtes dans un autre pays de l'Union, sans limite de temps ou de volume. Mais si votre opérateur roumain constate que vous ne passez pratiquement aucun appel en Roumanie alors que vous avez une carte SIM roumaine, tout simplement parce que vous vivez en Belgique par exemple, eh bien il pourra vous demander des comptes et même s'il juge qu'il y a abus, il pourra vous imposer à nouveau de faibles surtaxes pour vos communications. Alors la Commission reconnaît que ce n'est pas une mesure très simple à mettre en œuvre, mais dit-elle, je n'en ai pas trouvé d'autre. On verra maintenant comment les États membres et les députés européens réagissent à cette mesure. Les explications d'Anne Blanpin, notez que cette mesure doit être appliquée pour 2017. Les jeunes consomment moins d'alcool et de tabac qu'il y a 20 ans. Si on en croit, en tout cas, une étude de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Selon cette étude, un ado sur deux n'a jamais fumé. L'alcool est plus répandu, mais les jeunes boivent en moyenne moins qu'avant. Le cannabis, par contre, est en hausse. Alors pour parler de tout ça avec nous, Antoine Boucher d'Infordrog, bonjour. Bonjour. Des jeunes donc qui boivent et qui fument moins, ben c'est une bonne nouvelle en fait finalement pour vous. Alors concernant le tabac, oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Par contre, pour l'alcool, c'est plus difficile à dire parce que ce qui va aussi fortement compter, c'est la manière dont on consomme l'alcool. Donc c'est très différent de boire par exemple une bière tous les jours et de s'enfiler cette bière en une seule occasion par semaine, évidemment. Oui, et les jeunes, aujourd'hui, boivent donc plus rapidement, mais moins souvent qu'avant. Alors ça, c'est un constat qu'on fait en général pour l'ensemble de la population en Belgique. La consommation d'alcool en termes de quantité diminue, et ça depuis au moins une quarantaine d'années. Donc il n'y a pas du tout que les jeunes. Les jeunes, finalement, ils font aussi comme les adultes. Mais c'est toujours le produit le plus présent, je vais dire, à la fois pour les jeunes et aussi pour les adultes. Le cannabis est vraiment très très loin derrière. Donc le cannabis qui est en hausse, ça ne vous inquiète pas plus que ça ? Mais de nouveau, c'est pour nous, ce qui nous inquiète, c'est le sens qu'on met et la façon dont on consomme plus que les produits ou la quantité de produits consommés, quoi. Justement, quel conseil vous pouvez donner aux parents qui nous écoutent ? C'est vraiment le conseil du dialogue avec son enfant. Même s'il consomme pas d'alcool ou de cannabis, il peut traverser des moments compliqués, de douleur, etc. Et donc, c'est toujours bien, je pense, pour un parent d'essayer d'accompagner, de soutenir son enfant, parce que vraiment, c'est une pratique qui va faire que ça va devenir de naturel, de plus en plus facile, et c'est important. Merci Antoine Boucher. Antoine Boucher donc d'Infordrogue. Ils démangent les têtes et peuvent très vite se propager. Les poux font leur retour en force dans les écoles. Plus question d'éviction systématique de l'élève. Depuis 2 ans, les écoles privilégient la sensibilisation des enfants et des parents. Catherine Tonnerreau s'est rendue dans une école de Mons où les premiers cas ont été détectés. Reportage. Quelques petites têtes blondes en sont déjà infestées dans cette cour de récré. Les poux sont traditionnellement de retour quelques semaines après la rentrée. Madame Marie-Thérèse, institutrice en 3e maternelle à l'école Saint-Joseph de Mons. Oui, en général, ça se passe toujours en 7 ans, mais quelques semaines après. Pourquoi ? Parce qu'il y a la période d'incubation et que les enfants sont allés dans des pleins de jeux, des animations et des choses comme ça. Et que c'est un milieu collectif. Sylvie Belot, directrice de l'école. Pour le moment, on ne sait que donner un document à tous les parents, donc on a un courrier modèle. C'est vrai que ça stresse un peu parce que si on fait trop de shampoing, ça abîme les cheveux, donc c'est pas toujours facile de faire partie les lentes, les parents se posent des questions, doutent un peu de leur hygiène alors que parfois ça n'a rien à voir. Et des parents pris de court aussi quand leur enfant doit être écarté. Il faut savoir que l'éviction est légalement limitée depuis 2 ans. Et Christine Rigaud, directrice du service de promotion de la santé à l'école dans le Hainaut. La législation a été changée en 2014 et donc il n'y a plus d'éviction systématique. Par contre, dans les cas persistants, il est encore envisagé de pouvoir faire une éviction jusqu'à maximum 3 jours. Ça ne résout pas grand-chose si les parents ne font pas de traitement. Par contre, ça peut effectivement mettre en difficulté la scolarité de l'enfant. Et donc, c'est pour ça qu'on privilégie, nous, plutôt l'accompagnement des parents que l'éviction en soi. Il s'agit aussi de dédramatiser le phénomène. Les poux, ça se traite et ça commence surtout par la prévention. En football, suite ce soir des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Et Charleroi reçoit Bocholt, une équipe de division 2 amateurs. Mais pas question de prendre ce match à la légère. La Coupe de Belgique, c'est une priorité pour les Zèbres, selon le joueur Francis Nganga. C'est l'objectif du club, essayer d'aller le plus loin possible. La direction veut faire quelque chose de beau en Coupe, donc on va tout essayer pour donner le maximum de plaisir à cette direction et à ce public carolo. L'ambition, c'est d'aller le plus loin possible. Si on peut aller au bout, on ira, on va pas s'en priver. On sait très bien que ça va être compliqué, mais il y a de quoi faire dans cette Coupe-là, donc on va pas négliger, on va tout donner. Une interview réalisée par Ebi Brozaki. Ce soir également, Anderlecht affronte Louvain, le Standard Gael, Westerlo Tubize, Eupen Roulers et Sprimont qui ira à Courtrai. Et une petite visite pour terminer ce journal, la visite d'une exposition au musée de la Bovrie à Liège. Oui, cette expo s'appelle 21 rue de la Boétie. Elle est inspirée du livre de la journaliste Anne Sinclair, un livre où elle raconte l'histoire de son grand-père, Paul Rosenberg, célèbre marchand d'art parisien. Cette expo mêle donc histoire de l'art et histoire tout court. Petit aperçu avec Barbara Schall. Les œuvres sont signées Picasso, Matisse, Braque. Des chefs-d'œuvre de l'art moderne, selon Benoît Remiche, directeur artistique de cette exposition. Vous voyez devant vous ici, on a le déjeuner de Fernand Léger qui vient du MoMA de New York. Un portrait de la grand-mère d'Anne Sinclair qui est au musée Picasso. 21 rue La Boétie, c'est aussi le récit d'une vie. Celle du grand-père d'Anne Sinclair, Paul Rosenberg, un célèbre marchand d'art parisien qui savait attirer le chaland. Mais à travers son parcours, on redécouvre aussi un pan de l'histoire. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Une époque sombre, où les protégés de Paul Rosenberg portaient l'étiquette d'artistes dégénérés. Des œuvres trop abstraites, trop déstructurées pour un régime glorifiant l'ordre et la perfection. La montée en puissance du régime nazi va empêcher à cet art d'être vivant, en tout cas dans une parenthèse qui a été évidemment beaucoup trop longue. Une longue parenthèse pendant laquelle Paul Rosenberg finit par s'exiler aux États-Unis parce que juif. Certaines de ses œuvres sont détruites, d'autres confisquées, puis bradées par les nazis. Mais tout n'est pas perdu. Il y a 2 ans encore, un tableau de Matisse a été retrouvé chez un collectionneur à Oslo. 21 rue de la Boétie, l'expo ouvrira demain. Et vous avez le temps, hein, puisque vous avez jusque janvier prochain. Oui, mais attention, parce que quand on dit qu'on a le temps, on reporte en disant bah, on va y aller la semaine prochaine, et puis c'est fini. Ah ben oui. Ne vous faites pas avoir. Notez dans votre agenda. Maintenant. On y va, c'est au musée de la Beauverie, donc à Liège. Il est 17h14, je voudrais vous emmener au Minnesota, là tout de suite. Pas après soucis, on va partir sur les soucis. Routes pour voir comment ça roule cet après-midi. Vous savez qu'au Minnesota, il y a eu ce week-end une colonie de vacances particulière, non, 48 heures, où vous payiez 100 dollars, à peu près 90 euros, et pendant 48 heures, vous pouviez manger les pizzas que vous vouliez et boire autant de bière que vous vouliez. C'était pizza à volonté, oula. Et alors vous faisiez vous-même les pizzas avec les ingrédients que vous vouliez. C'est quand même sympa comme concept. Ah oui, mais je sais pas faire les pizzas. Ah ben là, il y avait tout, il y avait le four. Bah ça va, il y a la pâte, vous mettez les ingrédients, vous faites cuire. Ah oui, mais même ça, je pense que même ça, vous pouvez pas. Si vous pouviez manger. S'il y avait un micro-ondes, oui. Oh, pizza au micro-ondes, il va faire mal à tous les Italiens qui nous écoutent. Si vous pouviez choisir un truc que vous mangez non-stop pendant 48 heures, serait quoi? Sans hésiter, les spaghettis bolo, quoi. Spaghettis bolo, ça vous savez faire ou pas? Ouais, ça je sais faire. Ah, c'est la seule chose ça que va. Je sais faire. Matin, midi et soir, moi, il n'y a pas de souci. Ah bah, spaghetti bolo pour Simon Gérard. Quel est ce plat qui vous fait vraiment craquer et que vous pourriez manger non-stop pendant 48 heures? Vous me le dites par SMS au 3063. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Il est l'heure de faire un point RTBF Mobile Info tout de suite avec Antoine Binamet, bonjour. Bonjour, avec une bonne nouvelle pour commencer, chaussée dégagée sur le 42 Tour des Mons à hauteur d'Antoin, mais on perd toujours une trentaine de minutes en direction de Mons. Chaussée dégagée aussi sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles, du moins l'accident de Barchon, on perd toujours une dizaine de minutes à cet endroit vers la capitale, mais ça va se résorber. Par contre, plus loin, à hauteur du Woluwe et Saint-Etienne, bande de droite toujours neutralisée en direction de la capitale. Circulation habituelle sur le ring, 20 minutes perdues en extérieur pour le tronçon Zaventem Grand Bigard, et ça coince toujours sur le 411. Si vous quittez Bruxelles vers Namur à hauteur de Wallin, on perd là une cinquantaine de minutes, des files depuis Wavre et des répercussions sur la N4 venant de Wavre et sur la N25 venant de Nivelles. Évitez ce secteur si vous le pouvez. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et on a du boulot avant 19h dans ce 5 à 7 ce soir. Je vais vous parler tout à l'heure d'une histoire qui peut vous paraître dingue. Je ne sais pas si vous croyez en la voyance, en ces histoires de médium et tout ça. Mais nous aurons tout à l'heure quelqu'un qui a perdu son chat et qui l'a retrouvé grâce à un médium. Vraiment, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Vous le verrez demain dans la presse et déjà ce soir dans le 5 à 7. On y revient tout à l'heure, c'est promis, avant la fin de cette émission. Dans l'actu aujourd'hui, la mort de Jacques Chirac, l'ancien président français, en tout cas qui a été annoncé sur Twitter. La famille dément, mais on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire, parce qu'on parle beaucoup de Jacques Chirac ces dernières heures sur les réseaux sociaux, entre autres. C'est dans un instant, on analyse tout ça. On va parler aussi d'un nouveau concept. Si vous vous faisiez livrer, parce qu'on parle de nourriture cet après-midi, si vous vous faisiez livrer à la maison des bons petits plats, alors en tout cas les ingrédients pour préparer les bons petits plats sans devoir aller faire les courses. C'est un nouveau concept qui ouvre d'ici quelques jours. L'idée, c'est de manger sain sans se prendre la tête et être sûr d'avoir juste les quantités qu'il faut à la maison. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, en ce qui concerne la nourriture aussi, il y a cette colonie, ce stage aux États-Unis dans le Minnesota. Ça s'est passé ce week-end, l'info nous est arrivée aujourd'hui. L'idée, c'est un club fan de pizza qui permet d'accueillir tous ses membres pour un montant de 90 euros pendant 48 heures. Vous campez dans un endroit dans le Minnesota et vous pouvez manger pendant 48 heures autant de pizza que vous voulez. C'est la seule nourriture que vous avez et vous buvez de la bière en même temps. Alors pour les fans de pizza, c'est parfait, mais vous êtes fan de quoi? C'est quoi la nourriture que vous pourriez ingurgiter non-stop pendant 48 heures? Le plat que vous préférez finalement? 3063 par SMS, c'est 50 centimes le message pour me le dire. Et puis je vous attends sur la page Facebook aussi, 5 à 7, Vivacité RTBF. Quand on mange derrière, c'est bien de faire un petit peu de sport. Et bien justement, il y a

de Jacques Chirac, la famille qui intervient en disant « Bah non, attendez, il n'est pas mort, laissez-le tranquille à l'hôpital ». Alors, cette annonce est quand même assez particulière. On va en parler avec Michel Hermans. Vous êtes politologue à l'ULG, spécialiste des médias et de la communication. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors, on a un journaliste à la base qui annonce la mort de Jacques Chirac. Il annonce même une édition spéciale sur les chaînes de France Télévisions. Au final, il n'en est rien, c'est retweeté par une ancienne ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est possible que Jacques Chirac soit décédé mais qu'on ne l'annonce pas encore? Ou alors, effectivement, comme le dit sa famille, il est tranquillement à l'hôpital et on lui souhaite un bon rétablissement? Je ne vois pas quel serait l'intérêt à l'heure actuelle de dire que Jacques Chirac ne serait pas décédé s'il l'est, parce qu'il n'est plus en fonction. Mmh. Et on sait que depuis quand même un certain temps, il est malade. Alors le problème aujourd'hui, c'est que nous avons non plus des masses médias, mais des médias de masse, mais une masse de médias, ouais, dans lesquels vous avez notamment les réseaux sociaux sur lesquels certains se lâchent. Et quand il s'agit d'une personnalité comme Jacques Chirac, ça fait le tour très vite, ça fait le buzz. Et on voit une ancienne ministre qui reprend ça, elle veut se mettre sans doute en évidence également, parce que ça a été annoncé par un journaliste, donc elle a l'impression que c'est vrai. Voilà, et ça a été annoncé, petite précision, ça a été annoncé par le rédacteur d'un chef d'un magazine qui parle de la publicité habituellement. Donc pas, un spécialiste du domaine non plus. C'est pas un spécialiste du domaine encore en plus. Donc il y a véritablement à ce niveau-là, des gens qui cherchent à se faire remarquer, à se mettre en évidence, et c'est ça le problème fondamental à l'heure actuelle. Vous croyez que c'est ça la démarche de Christine Boutin quand elle décide de tweeter cette fausse information? C'est pour faire parler d'elle ou dans l'emballement, elle n'a juste pas vérifié? Un, je pense qu'elle n'a pas vérifié. Deux, Jacques Chirac est malade, c'est indiscutable. Il y a déjà longtemps d'ailleurs qu'il est malade. On ne sait pas d'ailleurs très bien ce qu'il a, donc ce n'est pas impossible. Elle y a peut-être cru, elle n'a pas vérifié ses sources. Et si on parle de son tweet, c'est évident que politiquement, ça peut lui faire de la pub. C'est malheureusement comme ça avec Twitter. Twitter, c'est le plus mauvais outil pour les hommes et les femmes politiques. Il n'y a rien à faire, c'est trop court, on n'a pas le temps d'expliquer, 140 caractères. J'ai toujours dit, c'est le meilleur moyen pour que ce soit repris, notamment par les médias traditionnels qui vont l'enfoncer maintenant, évidemment. Alors, on parlait justement... Elle annonce quelque chose qui n'est pas vrai, d'après la famille, d'après. On parlait justement de l'élargissement, de l'assouplissement, en tout cas, des règles de Twitter, il y a quelques jours, dans le 5 à 7, qui va autoriser toujours 140 caractères, mais qui ne comptera plus les liens. On pourra peut-être laisser un peu plus d'explications. Un peu plus d'explications, oui, c'est vrai. Mais c'est court quand même. Ça reste très court, effectivement. Ici, donc, d'après vous, pas une mort cachée. C'est déjà pourtant arrivé dans l'histoire. C'est arrivé dans l'histoire, mais pour des chefs d'État en fonction. Je vous cite comme exemple le cas de Joseph Staline. Mmh. On a mis une semaine pour le retrouver et on n'a rien voulu annoncer. On savait très bien qu'il était mort, mais il avait tellement peur de tout le monde qu'il s'enfermait pratiquement dans une chambre blindée. Et le temps qu'on ouvre la porte, on l'a retrouvé mort et on a attendu encore un moment pour annoncer sa mort. Deuxième cas plus célèbre encore, parce que là, la situation semblait claire quand on voit avec le temps la situation, c'est Kennedy, le président Kennedy, lorsqu'il a été assassiné. Mmh. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, même si son cœur bat toujours, il n'y a rien à faire. Sa femme on sait a qu'il est cliniquement mort. Il est cliniquement mort. Voilà. Elle a ramassé la moitié de son cerveau sur la voiture. Et il y a une discussion entre Johnson, Jackie Kennedy et des membres de la CIA pour essayer d'organiser la prestation de serment pour ne pas qu'il y ait de vide du pouvoir. Donc on attend avant de dire que le président Kennedy est décédé. Mais parce qu'il y a une fonction. Il y a une fonction. Et dans deux superpuissances. À l'époque, en plus, c'est évidemment deux cas très importants, l'URSS avec Staline et les États-Unis avec Kennedy. Ça pourrait être la même chose avec la France. Si Hollande décédait, on pourrait peut-être avoir éventuellement une situation de retard, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, en plus qu'on est en campagne électorale. Le temps de s'organiser, quoi. Ouais. C'est le temps de s'organiser, exactement. Il y a un autre cas qui fait l'objet de, un peu comme Jacques Chirac maintenant, mais de façon plus récurrente, qui fait l'objet de tweets et de nouvelles vraies ou fausses, c'est le cas de Michael Schumacher. Oui. Michael Schumacher, on a dit souvent, bon, il ne va pas bien, il va mourir, il est mort, ou non, il n'est pas mort. Il ne sait plus marcher, c'est ce qu'on nous dit dernièrement. Oui, il ne peut plus marcher, mais en tout cas, il est clair que la famille a dit, mais non, stop, c'est seul son médecin qui donne des informations, et la dernière information semble être celle de son médecin qui dit que

de nouveau le retour des averses. Bon bah on profitera du samedi, c'est déjà ça. 17h33 sur les routes, comment ça se passe? La réponse tout de suite avec Antoine Minamet, c'est le RTBF Mobile Info. Toujours les suites d'un accident sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne. Bande de droite toujours neutralisée vers la capitale. Vous y perdez une dizaine de minutes. Circulation très habituelle sur le ring de Bruxelles. Pas plus de 20 minutes perdues en extérieur. Zaventem, Grand Bigard. Par contre, ça coince toujours sur le 411 qui relie la capitale à Namur à hauteur de Wallin. Vous circulez au pas depuis Bierge sur 12 km. Plus d'une heure perdue en direction de Namur. Répercussions sur les axes avoisinants. Évitez ce secteur si vous le pouvez. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Il y a quelques minutes dans le 5 à 7, je vous parlais de cette colonie de vacances plutôt originale aux États-Unis, dans le Minnesota. Ça s'est passé ce week-end. L'idée était de réunir des fans de pizza et pour 90€, vous aviez accès à des pizzas en illimité pendant 48 heures. Et les gens pouvaient faire eux-mêmes leur propre pizza, choisir les ingrédients, cuire dans des fours au feu de bois. C'était plutôt original, mais pendant 48 heures, donc c'était gavage à la pizza. Si vous pouviez manger le plat que vous adorez le plus pendant 48 heures, presque en non-stop, avec des petites pauses quand même, bah, ce serait lequel? 3063 pour me le dire. Et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Il y a Rocco de Liège, de Binge, pardon, qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Rocco. Bonsoir. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Alors vous, pendant 48 heures non-stop, vous pouvez manger quoi? Des pastas vaianelli. Des pastas vaianelli. C'est quoi ça? Comme ça se dit. c'est une spécialité calabraise. Ouais. Et c'est à base de haricots grimpants. Donc on les cueille quand ils sont encore en mange tout. D'accord. Et donc on cuit ça avec des pommes de terre, de la courgette, des tomates concassées et de l'ail. Ouais. Un genre de bouillon et puis on cuit les pâtes dedans. Ah, ça doit être bon et, ça. C'est délicieux. Et on mange ça avec une salade de piment salée. Salade de piment salée, ça doit être compliqué à faire passer ça, parce que ça arrache un peu. Bah, ça pique devant et puis ça pique après. Merci pour les détails. Rocco, donc, répétez le nom du plat. Donc, avec l'accent, c'est pasta e vaianelli. Voilà, bah, je ne le répéterai pas, mais merci pour la recette et pour l'idée aussi. Bonne soirée, Rocco, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci. Alors, si c'est cette préparation pour Rocco, pour vous, c'est laquelle? 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF pour réagir. Dans un instant, on parle de sport et on voyage cet après-midi. On part à Las Vegas avec François Zelensky. Il sera question de cyclocross. Cuisine Créfer. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfer. Cuisine Créfer, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain! Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Besoin de changer vos châssis? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement deux chambres entièrement équipé à partir de 185 000€ hors TVA et frais à City Docks. City quoi? City Docks DOX, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, pavillon de vente ouvert à partir du 22 septembre. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. 17h-19h 5 à 7 sur Vivacité. Cette semaine, c'est la semaine de la mobilité en Wallonie. Vivacité partenaire, on compte sur vous pour deux choses. Déjà, pensez au covoiturage, puisque c'est le thème de cette année. Partagez la route, on s'y met tous. Et à surtout, ne pas envoyer de SMS au volant. Souvent, on vous interpelle dans les émissions en disant « Envoyez un petit message, participez à un concours, réagissez à une question ». Ne le faites pas si vous êtes au volant, c'est très important. Et alors, si quelqu'un est avec vous en voiture en ce moment, ou si vous n'êtes pas en voiture, vous allez pouvoir justement repartir avec un beau vélo. Un vélo électrique d'une valeur de 1000 euros. Il faut vous inscrire maintenant, vous envoyez mobilité par SMS au 60-03 pour 75 centimes le message. Mais attention, pas de SMS au volant, on le rappelle. 5 à 7. On parle de sport comme tous les soirs dans le 5 à 7 avec Françoise Aleski. Bonsoir François. Salut Cyril. Alors François est différent d'habitude. Voilà, il n'a pas la même voix que d'habitude. Ah, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On a chanté hier soir. Ouais. Petit team building avec la rédaction des sports. Vous avez chanté quoi? Oh, rien de particulier. On a fredonné. En fait, il y a eu un blind test pour tout vous dire. Ouais. Et donc on fredonnait les petites séquences qu'on nous passait, mais c'était pas des longs extraits. Hein, c'est des petits extraits de 30 secondes. Ouais, non, mais c'est une bonne façon détournée de dire que vous ne vous souvenez plus de la soirée. Oh, si, je m'en souviens bien. François, on va parler de Las Vegas avec vous. On part là-bas. Ouais, c'est sympa à Las Vegas. Il y a du cyclo-cross. On va faire ce sport-là à Las Vegas. C'est pas très fréquent parce qu'il n'y a pas beaucoup de sport à Las Vegas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme sport là-bas? Alors, c'est vrai qu'on dit Las Vegas, on pense casino, concert et. Ouais, passer et de casino en casino, c'est vrai que c'est du sport. Il y en a pas mal là-bas. Le poker, il y en a qui pourraient dire que c'est du sport. Mais voilà, parfois à Vegas, on s'ouvre aussi à d'autres choses. Et donc, pour l'instant, c'est une catégorie spécifique de cyclistes qui sont installés dans le désert du Nevada. Les cyclo Crossman, depuis une petite dizaine d'années d'ailleurs, Las Vegas accueille l'une des premières courses de la saison, le cyclocross qui se dispute en hiver. Hein. Chez nous, c'est entre septembre et mars. Mmh. Et pour marquer le coup, rien de tel que Las Vegas comme première grande course. C'est une manière aussi de sensibiliser les Américains à ce sport qui est un peu méconnu chez eux. Au départ, il y avait peu de champions qui allaient sur place, mais depuis 3-4 ans, c'est vrai que les grands noms sont aussi à Vegas, car c'est devenu maintenant une épreuve de la Coupe du Monde. La première épreuve d'ailleurs de la Coupe du Monde. Elle lance la saison et Sven Nys s'était imposé là-bas en 2013-2014, et c'est encore un Belge qui avait gagné l'année passée, puisque c'est Wout Van Aert qui s'est imposé. C'est donc là-bas pas la discipline la plus répandue, mais est-ce que l'oncle Sam aime bien le cyclocross? Ça, c'est peut-être s'avancer un petit peu quand même, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'on est plutôt foot américain, baseball, basket. Le cyclisme, c'est pas super populaire déjà. Alors le cyclocross, vous imaginez bien, c'est plutôt un sport qui est pratiqué en Flandre, chez nous, et puis aux Pays-Bas. Et donc, il y a assez peu d'exportation, si vous voulez, du cyclocross à l'étranger. Du coup, on fait tout pour faire connaître le cyclocross, quitte même à essayer de séduire les États-Unis à cette course qui tient un peu du chaud en fait. Hein. On sait que les Américains ont besoin de ça. Donc la course elle a lieu le soir, dans le noir. Le parcours comprend pas mal d'obstacles en fait qui ont été aménagés. Ce sont pas des obstacles naturels. Ouais. Habituellement, il y a même des escaliers, des passages de sable, des franchissements de palettes en bois, etc. Ici à Vegas, on retrouve tout ça et on insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pour voir. Ces difficultés convient aussi, hein, les Américains ils viennent pour voir ça. On veut voir du show, peut-être des chutes éventuellement. Ouais, exactement. Et alors en plus, parce qu'on sait que les Américains ils ont beaucoup de choses à faire, surtout quand on est à Las Vegas, hein, c'est pas très long le cyclocross. Non, c'est vrai que par rapport à une course cycliste classique où ça dure parfois 6, 7, 8 heures, et bien ici c'est une heure de course où on se donne totalement à fond avec pas mal de spectacles et de rebondissements, donc vous avez compris tout ça, ça colle bien avec les envies des Américains et au final ça marche, hein, puisque maintenant il y a plus de 10 000 spectateurs pour ce cross de Vegas. L'UCI a même décidé de rentabiliser un petit peu plus le déplacement aux États-Unis puisque la deuxième manche de Coupe du Monde, elle se court là-bas aussi, quelques jours plus tard à Iowa City. Tout ça est assez exotique en fait pour les coureurs. C'est sympa d'ailleurs d'aller voir sur leurs réseaux sociaux les photos qu'ils postent. Pas mal de photos originales avec des jolis petits paysages. Et puis pour info, 5 000 $ quand même pour le gagnant, peut-être à dépenser au casino. Ah, effectivement, là-bas c'est ça ou aller voir des concerts. Quoi. Oui, ou essayer de les faire fructifier en tout cas au casino. Oui, il y a plus de chances de les perdre quand même. Merci François. Tant que vous êtes là, vous savez qu'il y a ce camp qui s'est organisé aux États-Unis dans le Minnesota qui avait un but, ça, ouais. Manger de la pizza non-stop pendant 48 heures. Si on vous mettait dans une colonie pour manger ce que vous préférez, ce serait quoi vous? Mais moi j'aime beaucoup le cassoulet, mais 48 heures de cassoulet. Ah ben disons qu'il ne faut pas être dans la même pièce que vous pour les prochaines heures. Voilà, quoi. C'est ça. Le raccourci est fait. Cela dit, j'ai déjà fait 24 heures hein, de cassoulet lors d'un tour de France. Ouais. Un cassoulet le soir, un le lendemain midi et puis de nouveau un le soir. Et sous la couette après ça. Passé. Oui, mais pendant la nuit. Sous non, la non, couette. Ça s'est bien passé. Parce qu'il y a un dégazage la nuit quand même. Non, je vous jure, ça s'est bien passé. D'accord, ok, vous n'en direz pas plus. Merci François. 17h43, justement, on reparle de cette colonie de vacances pour les fans de pizza, Dominique. Ah, ouais, ça fait rêver, hein. Vous êtes bien là-dedans? Alors, je sais, 48 heures, ouais. Après, c'est ce qui m'embête, c'est le sport qu'il faut faire pour évacuer tout ça. 48 heures de pizza, c'est beaucoup. Vous faites bien 6 jours sans manger de nourriture solide, c'est un extrême à l'autre. Oui. Après Viva For Life. Après Viva For Life, on va faire ça. Ouais. Le week-end, le camp de pizza, la colonie pas, pizza. Ouais. Parce que c'est vrai que là, pendant 48 heures, pizza à volonté, bière, on a bien compris. Mais aussi, vous recevez à l'américaine, hein, tout est prévu, le petit sac pour vous promener avec vos bières et aller d'un coin à l'autre avec vos ingrédients pour cuire la pizza, et le t-shirt où on voit le design spécial Pizza Camp. Et là, sur le site Metro Time, vous pouvez voir les gens qui mangent la pizza et qui posent avec leur beau t-shirt. Ils sont tout fiers. Pizza Camp, très fiers. On prend du gras et on aime ça. Voilà, avoir leur t-shirt pizza, c'est le souvenir, parce que ça fait quand même la troisième année que c'est organisé, donc j'imagine que les accros participent chaque année et collectionnent les t-shirts. Et alors, pour les mettre en appétit, encore une fois, à l'américaine, tout est pensé. Il y a une playlist spéciale pizza qui est proposée pour mettre un petit peu d'ambiance dans ce camp. En fait, ce sont des chansons existantes où le mot pizza a été glissé dans le titre principal. Alors, pour vous donner un exemple, les Black Eyed Peas, ça donne ceci. I got a pizza. I got a pizza. Bah oui. Ça donne envie de manger. Ça marche aussi, ouais. Vous pourriez avoir aussi les Beach Boys, Pizza USA. C'est des malades. Pizza USA. Il y a aussi d'autres exemples. Frank Sinatra, New York Pizza, Eddie Grant Pizza Avenue, Queen et David Bowie. Je l'aimais bien aussi celui-là. Under Pizza au lieu de Under Pressure. Ça peut le faire. Elton John, Your Pizza au lieu de Your Song. Ouais. Et Leonard Cohen, Pizza Yula au lieu d'Alléluia. Et vous passez un bon week-end. Eh ben effectivement, avec tout ça, on ne peut que avoir envie de manger de la pizza. Merci Dominique. Vous nous direz tout à l'heure quel est le plat que vous pourriez manger pendant 48 heures. À ce propos, vous aussi, vous nous envoyez vos messages, pas au volant, je le rappelle. 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Et tant qu'on parle de playlist, il y a le guide du routard qui, alors, nous invite pas à manger de la pizza, mais qui nous invite à voyager et à voyager en musique. C'est une nouveauté. Ils ont mis en ligne des playlists avec des thèmes, différents pays à chaque fois. On va faire le tour de la playlist belge dans un instant. Avant ça, je vais accueillir le directeur du développement du routard, Gavins Clementerous, qui est là. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Merci d'être l'invité ce soir du 5 à 7. Rien que parler du guide du routard. On n'a pas mis les playlists pizza dans nos playlists. Je suis juste un peu déçu, mais je vais essayer de réparer les Ben vous arrangerez ça pour l'Italie. On va vous envoyer les morceaux. Alors, c'est quoi l'idée de déjà voyager ou de savoir quel est l'univers musical dans lequel on va arriver quand on sera quelque part? Qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. On avait envie de donner une idée quand on recherche sur le site routard.com. On a envie d'aller en Afrique, on a envie d'aller au Japon, on a envie d'aller à Cuba ou je ne sais où. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une petite idée du son de ce pays à travers la musique qu'il y a là-bas? Et donc comme ça, on a regroupé à travers plus d'une trentaine de playlists plein d'artistes locaux grâce à la société Believe qui nous aide beaucoup pour constituer toutes ces playlists. Et comme ça, on a une petite idée du voyage. Ça nous donne un petit goût du voyage avant de partir, parce qu'on aime bien donner un petit peu d'inspiration pour peut-être choisir tel endroit plutôt qu'un autre. Et aussi se dire que on a un petit bout du voyage avant de partir, et aussi en revenant quand on est au bureau. Ah, quand on veut se rappeler les souvenirs. Ouais, on s'est fait une playlist en vacances au bureau. Ça peut être assez rigolo. Alors par exemple, pour la Belgique, on est allé faire un tour. Il y a ceci dedans. Les flamandes. Évidemment, pour parler de la Belgique, Jacques Brel. Le nouveau Jacques Brel est dedans aussi. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Et puis on est belge, on assume. Il y a aussi Plastic Bertrand dedans. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Alors ça, c'est pour la Belgique, on ira à Cuba dans un instant. Mais qui fait le choix de musique, justement? Alors c'est nous, avec Believe, c'est toute l'équipe du Routard, tous nos choix de musique, ce qu'on a pu entendre ou ce qu'on a pu découvrir sur le terrain quand on est parti visiter le pays pour le guide et pour le Routard. Et donc on s'est amusé à récolter tout ça et à essayer d'avoir une petite image, j'ai envie de dire une petite carte postale musicale la plus juste possible. Alors faisons le test justement, puisqu'on est allé sur le site, là on l'a fait pour la Belgique, mais imaginons des vacances là où il fait beau, il fait chaud, on part à Cuba, hop, ambiance. Guantanamera bien sûr, mais ceci aussi. Ah, Habana ou alors Amigos. Et donc ça doit être la fête dans les bureaux du Guide du Routard, non? C'est vrai qu'on s'entend pas beaucoup tellement on met la musique à fond. Il y a un battle de pays en fait dans chaque bureau, c'est un peu ça. C'est exactement. Chaque responsable de guide se dit tiens non moi j'ai la meilleure, tu vas voir, non moi j'ai la meilleure. Et on s'est un peu réunis parce qu'on a fait une playlist quand il pleut, parce que c'est vrai que l'hiver c'est un peu tristouné. Donc on s'est dit tiens là on va mettre les musiques qui nous font plus donner envie d'avoir du soleil à la maison. On s'est mis ça, on a mis aussi vacances en famille parce qu'on s'est dit que ça pouvait être sympa. Et sinon pour quand on fait du trek et de la rando, on a aussi mis une playlist parce que pour se donner du courage, des sons qui partent bien, tout comme le réveil tonique que je vous conseille. Ouais. Je suis en train de le tester tous les matins, c'est pas mal, ça donne la pêche. Et tout ça est à découvrir sur routard.com. Merci de passer ce soir dans le 5 à 7, à bientôt. Merci, au revoir Cyril. Il est 17h49, dans un instant c'est Ophélie Fontana qui arrive comme tous les soirs dans le 5 à 7. L'image du jour avec Ophélie, c'est avant le cactus de Jérôme Dewarzé dans quelques minutes. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Aulieu-Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17h dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or à Aulieu-Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 2015. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Tous les jours, un nouveau sac grâce au shopping chez Veritas. Pour la journée ou en soirée, prenez-en deux, c'est tellement mieux. Jusqu'au 26 septembre, 20% sur votre sac à main préféré. Aussi en ligne sur veritas.be. Veritas. Fait par moi, fait pour moi. Vin chaud sur les pistes ou vin blanc en terrasse? Lâchez-vous. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500€ de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Comme tout le monde, vous savez que Spa-Francorchamps, c'est le plus beau des circuits. Mais vous ne savez peut-être pas que c'est aussi un endroit magique pour organiser un séminaire, un banquet de fin d'année, un lancement de produits ou une fête familiale. Spa-Francorchamps, une multitude de solutions pour l'organisation de votre événement. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et tous les soirs avec Ophélie Fontana aussi qui vient pour l'image du jour. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Cyril. Aujourd'hui, déjà, ça va bien vous? Ben moi, ça va mieux que ceux dont on va parler. Ben oui, parce qu'on en parlait hier dans le 5 à 7, mais tout le monde revient dessus aujourd'hui. Brad Pitt et Angelina Jolie. Ben oui, c'est l'image à la une de tous les médias aujourd'hui, et pas seulement des médias people, parce que c'est vrai que c'était un couple glamour, un couple extrêmement romantique. Et donc, l'annonce du divorce hier a fait l'effet d'une bombe. Donc, petit rappel sur ce couple, si nécessaire, 12 ans de mariage, demande de divorce faite par Angelina. Officiellement, on évoque des différends inconciliables liés à l'éducation de leurs 6 enfants. Ouais. On dit que Brad était plus strict qu'elle. Bref, on ne sait pas trop. En coulisses, aujourd'hui, il y a quand même d'autres rumeurs qui circulent. Il est question aussi de consommation de drogue et d'alcool de la part de Brad Pitt, qui serait devenu... Voilà, cet homme parfait. Pas tant que ça, peut-être. Et donc, voilà, il serait devenu de plus en plus colérique, ce qui expliquerait peut-être ces différends inconciliables. C'est peut-être là-dessus, il était... Voilà, il pétait peut-être un peu quelques câbles par rapport à ses enfants aussi. Pas d'explication officielle de sa part. Il a réagi par communiqué. Mais tout ce qu'il se contente de dire par rapport à ça, c'est que lui, il veut le bien-être de ses enfants. Alors lui a envoyé un communiqué, mais c'est pas le seul à avoir réagi. Il y a une apparition de l'ex dans l'histoire. Ah bah oui, parce que souvenez-vous, avant, il avait fait un autre couple très people, très glamour, avec Jennifer Aniston, l'actrice de Friends. Ouais. Il l'avait d'ailleurs quitté en 2005 pour se mettre avec Angelina. Oui, avant le bazar. Ça, il avait un peu trompé, quoi. Voilà, donc c'était un peu le bazar à l'époque. Alors, tout le monde a essayé d'avoir sa réaction à Jennifer, la femme trompée de l'époque. Elle répond simplement, c'est le karma. On peut comprendre par là, voilà, c'est le destin. Elle a dit qu'elle n'avait de toute façon jamais eu un bon feeling par rapport au couple, que Angelina Jolie était beaucoup trop complexe pour lui, qui est un homme plus simple. Voilà, quoi qu'il en soit, elle a dit qu'elle n'avait jamais souhaité la rupture de leur couple pour autant. Elle est très heureuse dans sa vie. Elle était aussi heureuse pour Brad, pour son ex. Mais voilà, toujours est-il que ça a mal tourné. Apparemment, elle avait quand même un mauvais feeling. Et c'est mal barré pour Brad parce que là, Angelina, elle a pris une avocate redoutable. Ah ben oui, elle s'appelle Laura Wasser. C'est vraiment une avocate extrêmement connue aux États-Unis, spécialiste en droit de la famille, en dissolution de mariage. Donc elle s'était déjà occupée du premier divorce d'Angelina Jolie. Et apparemment ici, il n'est pas question de garde alternée, pas de compensation financière. Elle veut la garde exclusive de ses 6 enfants. Tout ça pour le bien-être de la famille, c'est tout ce qu'elle dit. Ah bon, on suivra le dossier. Maintenant que Brad est célibataire, vous êtes intéressé? Ben non, enfin, il y a quand même 450 millions de dollars en jeu. Hein. Ça, c'est l'estimation de leur fortune. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça va faire plaisir à votre mari. On ne sait pas qui touchera le pactole. Mais toutes les femmes sont vénales. Hein. Vincent, fais gaffe, puisque 2 semaines après le mariage, elle est déjà intéressée par un autre. Voilà, et on n'a pas 450 millions de dollars sur nos comptes. Ça, je vous le dis quand même tout de suite. Non, mais bravo. On voit comment vous êtes. Bah, merci Ophélie, bonne soirée. À mon avis, on en reparlera. Bah oui, on suivra le dossier, bien sûr. À demain. À demain, il est 17h54. Voici le cactus de Jérôme de Warzée. Jérôme, le cactus revient sur ses contrats mirobolants signés par la FN Herstal avec l'Arabie Saoudite. Mais oui, bonjour, Rüyunzdech, Herstal Marlen à la FN. L'Arabie Saoudite a donc acheté 60% des armes wallonnes vendues l'année dernière. Voilà qui va donner un coup de fouet à nos exportations. Armes à feu, 396 millions d'euros. Munitions, 105 millions. Véhicules blindés, 58 millions. Sacs plastiques, 3 millions. Sac plastique est une arme. Hein. Référez-vous au procès Westphal. Je ne le savais pas. Quoi de plus exaltant d'apprendre ce genre de choses? Et c'est grâce à cette info que j'ai enfin compris pourquoi les sacs plastiques n'étaient plus gratuits dans les grands magasins. Mais voilà, il faut bon. Un marché de l'armement juteux. Bravo à la FN Herstal qui reste à l'affût et pas seulement du canon. Nos fusils, nos munitions plaisent, tant mieux. Ressentons les tendances du moment. L'approvisionnement en machettes, par exemple, c'est plutôt du côté de l'Allemagne que ça se passe dernièrement. Les bonbonnes de gaz ont plus à côté en France actuellement, sur la capitale essentiellement. Je vous parle évidemment commerce extérieur et vie associative. La FN Herstal a choisi un créneau porteur, la fabrication d'armes. Voilà ce qu'est une vision d'avenir. Un produit indémodable. C'est la Wallonie qui avance. Quand vous analysez les objectifs à long terme de la cristallerie du Val-Saint-Lambert, mais on ne peut pas affronter les rigueurs de ce siècle ultralibéral en produisant des verres d'éclairage et des coupes à fruits. Soyons pragmatiques et je m'adresse aussi aux Flamands qui pestent qu'un tel marché leur échappe et qui tentent opportunément de fourguer leurs produits. Nous avons des centaines de fermes industrielles où nous élevons des millions de cochons pour l'exploitation. Très inspiré, ça, le cochon pour les marchés du Moyen-Orient. Hein. Le Flamand qui réussit à conclure un contrat d'envoi de 30 000 cochons en Arabie Saoudite, je le veux comme ministre de l'économie à vie, vous m'entendez? Dès lors, messieurs les Saoudiens, permettez-moi de sauter, si j'ose dire, sur l'occasion. Si jamais vous aviez un urgent besoin de bulldozers ou de tractopelles, nous possédons en nos contrées un surstock considérable dans une de nos usines et nous serions ravis de vous en céder les plus belles pièces à un prix d'amis, car vous êtes nos amis. Ce sont nos amis. Hein. Si j'ai des problèmes financiers, un de mes amis me permet de gagner 600 millions en faisant tourner mon usine. Malgré qu'il a servi sa femme et qu'il fouette ses gens de ménage, il va rester mon ami. Hein. Chers amis, notre contact privilégié pour cette tractation, contact dont vous nous permettrez de garder l'anonymat à l'antenne, hein, monsieur Paul M, bourgmestre de Charleroi, serait même prêt à vous livrer la marchandise lui-même dans des délais qui vous laisseront pantois. Saisissez, messieurs les Saoudiens, c'est l'occasion unique, enfin surtout pour nous, en fait, pour nous. Et cet été, le député Jean-Luc Cruc a parcouru la Wallonie à pied pour la promouvoir. Paul M, président de la région Wallonne, peut bien faire Gosli Riat en tractopelle pour la sauver. En vente également un lot de GPS donc grosse pelleteuse socialiste, jamais servie, idéale pour creuser très profond. Nous adjoindrons d'ailleurs des clichés prouvant l'efficacité des machines susdites. Et quand vous découvrez ces clichés, ne pensez pas qu'il s'agit de cratères déflorant la face lunaire. Il s'agit d'images satellites de la E40 et de la E411, prises par Oufti 3, de la plus grande réussite en matière de conquête spéciale. Oufti 3, toujours en orbite après les essais malheureux de Doudou 1. Les ingénieurs n'avaient pas réussi à tirer assez de poils de la queue de la fusée, enfin on vous expliquera, et de Stoddard Leach 25, qui lui ne décolle que tous les 25 ans finalement. Messieurs les Saoudiens, je crois que dans ce contrat, l'on peut écrire que le ciel est loin d'être voilé, et c'est d'ailleurs confirmé par Luc Trulmans. Signé, je vous prie, quelle belle réunion que ce serait d'associer le pays de l'or noir qui a du pétrole et des idées au pays noir qui a... Voilà, j'entends déjà les esprits chagrins, mais comment est-ce possible de vendre des armes à ces gens-là? On leur donne la Kalachnikov pour se faire abattre. On leur vend des armes, ils nous envoient des terroristes, c'est le commerce équitable. On va faire un petit point sur la météo. Tout de suite à 17h59, Dominique, quel temps va-t-il faire? Demain, bien du temps sec et de belles éclaircies, avec des températures comprises entre 17 et 23 degrés. Attention à la pluie qui arrivera en soirée. Merci Dominique, on vous retrouve tout à l'heure pour un autre point météo. Et puis le journal qui arrive dans quelques secondes, des cadeaux aussi à gagner, un vélo d'une valeur de 1000 euros, vélo avec assistance électrique. Vous gagnez ça maintenant en envoyant mobilité au 6003, bonne chance. Vivacité présente en partenariat avec les AP Assurance, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Reçu, puis collé et finalement inscrit, tous les étudiants en médecine qui ont réussi les examens de fin de première année peuvent s'inscrire en deuxième. Attention, une deuxième année redoutable, prévient l'un des organisateurs du concours tant critiqué. C'est le premier rebondissement du procès de Bernard Westphal. On découvre l'existence d'une réunion pour préparer ce procès. La juge d'instruction, le parquet, les experts, ils étaient tous là, mais pas l'avocat de l'accusé. 12 heures en dehors du frigo et vous pourrez quand même la manger, l'affaire de la tartorie éclose. Elle ne doit pas être conservée au frais. Les pâtissiers avaient donc raison. En football, pas moins de 14 matchs ce soir en 16e de finale de la Coupe de Belgique. C'est le titre du journal des sports. Le journal sur Vivacité, c'est avec Delphine Heureux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Allez-vous continuer à payer des frais de téléphone lorsque vous êtes en vacances par exemple? Non, en tout cas si vous êtes dans un pays de l'Union Européenne. La Commission Européenne présente un nouveau texte et elle l'assure, les frais de roaming, les frais d'itinérance vont disparaître en juin 2017. Catherine Tonero, que propose donc la Commission? Concrètement, si vous utilisez votre GSM ou smartphone à l'étranger, vous paierez zéro frais supplémentaires et ce, sans limite de temps. Au départ, cette absence de frais, elle avait été fixée à 3 mois par an. Au-delà, votre opérateur pouvait décider de vous faire payer plus depuis l'étranger. Cette version avait provoqué un tollé, d'où cette nouvelle proposition qui en revient donc à l'ambition initiale, l'abolition totale et sans limite des frais de roaming. Il y aura quand même, Catherine, des garde-fous. Oui, car imaginez, Delphine, je sais que vous ne le ferez pas, hein, mais vous achetez une carte SIM dans un pays où les tarifs sont moins chers, en Roumanie par exemple, pour utiliser votre smartphone toute l'année en Belgique. C'est une forme d'abus. Eh bien, pour les éviter, les opérateurs pourront contrôler leurs abonnés en quelque sorte. Donc, pour l'exemple, si l'opérateur roumain constate que vous ne passez jamais d'appel en Roumanie parce que vous vivez en Belgique, il pourra vous demander des comptes et là, les frais d'itinérance pourront être réactivés. On attend maintenant la réaction des États et députés européens à cette proposition de la Commission. Et si tout va bien, elle devrait entrer en vigueur en juin prochain. Merci Catherine, et promis, pas d'abus. Au procès de Bernard Westphal, l'existence d'une réunion pose problème. Une réunion qui a servi à préparer le procès d'assises. Autour de la table ce jour-là, tout le monde, sauf l'avocat de l'accusé, Bernard Westphal. Aujourd'hui à l'audience, son avocat s'en est indigné, Fabrice Gérard. Oui, effectivement, Delphine, et c'est sans doute le premier véritable rebondissement en ce troisième jour du procès de Bernard Westphal devant les assises du Hainaut. Cet après-midi, l'avocat de l'accusé a évoqué, vous l'avez dit, une réunion préparatoire. Réunion préparatoire en présence de la juge d'instruction, des enquêteurs, des experts et du parquet général. Réunion pour préparer les aspects pratiques du procès et à laquelle la défense de Bernard Westphal n'a pas été conviée. Alors, s'agit-il d'une violation des droits de la défense? La question se pose puisque l'avocat général qui était présent, on l'a dit, à cette réunion, représente le ministère public et donc l'accusation. Jean-Philippe Mayence, l'avocat de Bernard Westphal, a en tout cas demandé que cette réunion préparatoire, eh bien, elle soit actée dans un procès-verbal. Et c'est sans conteste pour lui un argument de plus pour dire que l'enquête n'a pas été effectuée à charge et à décharge. Il faut dire que l'on a aussi appris cet après-midi que les déclarations d'un pompier lors de la reconstitution des faits ont été coupées au montage. L'homme du feu expliquait qu'il avait sans doute cassé une côte de la victime en essayant de la réanimer. Et puis il y a aussi des déclarations de voisins de la chambre 602 dans lequel le drame s'est joué. Déclarations signalant que les voisins n'avaient rien entendu et qui là non plus n'ont pas fait l'objet d'aucun procès verbal. Voilà donc, Delphine, pour les derniers rebondissements à l'heure où je vous parle. Merci pour vos explications, Fabrice, en direct de la cour d'assises de Mons. Les reçus collés de médecine sont à présent des étudiants en deuxième année, de simples étudiants. Fin du suspense. Le ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles autorise ceux qui ont réussi les examens à passer en deuxième, même s'ils ne se sont pas classés parmi les meilleurs lors du concours et même s'ils n'ont pas intenté un recours en justice. La justice qui a d'ailleurs donné raison aux étudiants de l'UCL et de Namur hier. Olivier Tunus, Jean-Claude Marcourt était donc au pied du mur et il veut être équitable. Pour le ministre Marcourt, il s'agit de mettre tous les étudiants sur pied d'égalité. Pour les étudiants, c'est en tout cas un soulagement. Laurence Kremer, présidente de la Fédération des étudiants de l'Université de Liège. Il était temps, parce que ça fait quelque temps que les étudiants dits reçus collés étaient en attente d'une décision officielle. C'est une réjouissance à très court terme, parce qu'ils vont passer en deuxième, pouvoir continuer leurs études. Mais tant qu'on n'a pas une décision sur le numéro dynamique à long terme, ceux-ci ne sont toujours pas sûrs de pouvoir professer après tout leur parcours étudiant. En fonction des résultats de l'examen de classement organisé à l'issue de la première année, examen déterminant qui aura droit ultérieurement à un numéro INAMI, il aurait dû y avoir 126 étudiants en deuxième année à Liège. Il pourrait donc être jusqu'à 37 de plus. Avec quelles conséquences, professeur Bernard Rogister, organisateur de l'examen de classement? Ces étudiants qui n'ont pu réussir que 45 crédits au cours de leur première année, on leur demande au cours de la deuxième année de réussir 75 crédits. C'est quasi mission impossible. Un problème aussi au niveau des examens, puisque à partir de la deuxième année, beaucoup d'examens sont oraux. Il y a des examens intégratifs. En général, ils passent devant un jury de 2 ou 3 professeurs, donc ça nécessite de mobiliser des professeurs pendant 10 demi-journées, et c'est un lourd travail. C'est un problème également pour encadrer ces étudiants, et de manière correcte. Les étudiants en cours de cursus demandent, eux, la certitude d'avoir un numéro INAMI. Et pour ces numéros, le ministre Marcourt en appelle au Premier ministre et à la ministre de la Santé, Maggie De Bloch. Il crée la pénurie, il crée aussi des problèmes de fonctionnement dans nos universités, commente Jean-Claude Marcourt. Des responsables financiers du groupe Caterpillar viendront demain à Gosselies pour répondre aux questions des syndicats. Les syndicats espèrent obtenir des éléments qui pourraient leur servir à contester les arguments de la direction pour fermer l'usine Carolo. La NVA va-t-elle perdre quelques plumes avec le départ de 2 de ses élus, Hendrik Vuy et Veerle Wouters? Claque la porte du parti. Ils étaient déjà proches de la sortie en début de semaine. Ils avaient été démis de leur fonction de réflexion. Eux qui doivent réfléchir au programme institutionnel de la NVA. Mais aujourd'hui, ils estiment ne plus pouvoir s'exprimer librement. S'ils continuaient leur mission, ils auraient été mis sous tutelle. Au final, ils siégeront toujours à la Chambre, mais comme indépendants. La tarte au riz restera en dehors des frigos. Oui, l'AFSCA voulait la faire rentrer parce qu'elle contient de la crème et du lait. Mais le frigo, les pâtissiers n'en voulaient pas. Le froid la rendrait moins moelleuse. Et on ne met pas une tarte au riz au frigo, point, ont-ils répété tout l'été. Pour trancher, une étude a été commandée et la tarte peut tout à fait rester à l'air libre et même pendant 12 heures sans aucun danger. Le ministre fédéral de l'Agriculture et des Indépendants est venu l'annoncer ce matin dans une boulangerie. Écoutez. Les résultats sont très clairs. D'une part, on peut sans problème pendant 12 heures conserver la tarte au riz à température ambiante et la commercialiser sans le moindre souci. On peut même aller au-delà, mais c'est vraiment une minorité de situations, on peut même aller au-delà en termes de durée de conservation en abaissant alors un peu la température. Concrètement, ça veut dire que dans l'immense majorité des situations, aujourd'hui, plus de problèmes pour la tarte au riz. Ça veut dire que les traditions sont respectées et on va pouvoir continuer à consommer, à commercialiser de ces produits autant atlantiques qui font aussi toute la saveur de nos régions. Est-ce que ça veut dire que quelque part l'AFSCA s'est alarmée un peu trop vite? Écoutez, il fallait clarifier les choses. Il y a une règle générale qui est de dire ce qui contient du lait ou de la crème doit être conservé à moins de 7 degrés. Et puis il y a des dérogations possibles. Pour pouvoir l'affirmer, il fallait une étude. Nous sommes donc désormais totalement apaisés. Vous venez de manger de la tarte au riz, vous n'êtes pas malade? Je me sens en pleine forme. Willy Borsu, interrogé par Olivier Tunus. Est-ce que vous pourriez manger de la tarte au riz pendant 48 heures non-stop? Parce qu'aujourd'hui, on parle... C'est un nouveau défi. Alors, ça vous change de piment. C'est vrai, mais pourquoi pas? Parce qu'aux États-Unis, il y a un camp où on mange de la pizza pendant 48 heures. Et si, soyons aussi, fiers ça. De nos produits. Les deux. Quoi, les deux? Bah, pizza et tarte au riz. Ah ben, le mélange, il est pas mal. Merci Delphine. 3063 par SMS pour nous dire ce que vous pourriez manger pendant 48 heures. On fait un point là-dessus dans quelques minutes. Il y a le journal des sports qui arrive tout de suite. On part sur les routes. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider-d'investir. C'est le RTBF Mobile Info avec Adrien Demey. Des soucis à 18h09? Oh que oui, et particulièrement sur l'autoroute 411 entre Bruxelles et Namur. On a eu un accident, en tout cas un accident s'est produit tout à l'heure à hauteur de Wallin. Ça reste fortement compliqué puisque le passage se fait uniquement par la bande de gauche, la seule bande de gauche disponible à cet endroit. Un effet d'entonnoir qui provoque 10 km de bouchons en amont à partir de Wavre. Ça coince déjà, comptez environ 1h15 perdu sur ce tronçon Wavre-Wallin vers Namur. On conseille d'ailleurs d'éviter ce secteur, même si le dépannage est en cours, ça reste très compliqué. Des répercussions également suite à cela sur la Nationale 4 venant de Wavre et sur la Nationale 25 venant de Nivelles vers Namur. Pour le reste, un accident impliquant une moto à hauteur de la commune de Guilanguien au carrefour entre la Nationale 7 et la Nationale 57. Et puis sur le ring de Bruxelles, pointons un tronçon plus fortement ralenti, hein, pratiquement une heure à présent sur le tronçon entre Zaventem et Grand-Bigard, qui est donc et de loin le plus congestionné ce soir. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité, le journal des sports. C'est avec François Zelensky. On commence par du foot et la suite ce soir des 16e de finale de la Coupe de Belgique. La suite est fin même puisque les 14 derniers matchs auront lieu ce soir. Pour rappel, hier, le club de Bruges et Moucron se sont qualifiés pour les 8e de finale. Parmi les affiches de la soirée, on peut citer les matchs Gael Standard, Anderlecht ou Deverley-Louvain, Charleroi-Bocholt, Roulers-Eupen ou encore Lierse-Lagantoise. Tubize se rendra pour sa part à Westerlo-Tubize qui peut compter sur l'expérience de son entraîneur Régis Brouard. Cet entraîneur français qui avait réussi l'exploit d'amener le club amateur de Quevilly en demi-finale et puis même en finale de la Coupe de France. Pascal Chimay a demandé à Régis Brouard quelles étaient les différences entre la Coupe et le championnat. La Coupe est avant tout un état d'esprit. On est dans une démarche totalement différente que dans un championnat où on peut avoir une projection sur la durée. On sait que par un match, on a toujours moyen de se récupérer. En Coupe, c'est très simple. On perd, on dégage, on gagne, on continue l'aventure. Et je pense que c'est une compétition qui appartient avant tout à un vestiaire. À un groupe, ça amène quelque chose de différent et d'autre chose que le championnat. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, moi. Et dans les rapports avec les joueurs, on découvre aussi autre chose. Parce qu'on n'est que sur du moment, de l'instant. Et moi, je suis vécu avec Quevilly, avec cette finale au Stade de France. Je pense que n'importe quelle équipe dans le monde entier peut le vivre. La Coupe de Belgique à suivre dans Vivasport dès 19h puisque le match d'Anderlecht au Deverley-Louvain commencera déjà à 19h30. À l'étranger, on joue aussi en France, en Espagne ce soir, on pointe deux affiches majeures, Barça-Atlético Madrid en Liga et puis en Ligue 1, un match méditerranéen, un sommet entre Monaco et Nice. Enfin, en Angleterre, Vincent Kompany devrait enfin rejouer en match officiel avec Manchester City ce soir contre Swansea en Coupe de la Ligue. Cela fait 147 jours que le Diable Rouge n'a plus joué à cause de sa blessure à l'aine. Les Fancy Bears, ces hackers russes qui ont piraté la base de données de l'agence mondiale antidopage, nuisent-ils à la réputation des sportifs propres? Une belle liste déjà en tout cas de sportifs. Chris Froome, Bradley Wiggins, les sœurs Williams, Raphaël Nadal, Mo Farah, Simone Biles. Ils sont déjà très nombreux à avoir vu leur nom associé au terme dopage avec ces révélations qui tombent maintenant presque tous les jours. C'est le cas aussi du Belge Loïc Luypaert, l'un des hockeyeurs belges médaillés d'argent à Rio. Pourtant, les données dévoilées par les pirates, elles concernent surtout des autorités autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, les fameuses AUT, qui permettent aux sportifs de se soigner temporairement, en fait, avec des médicaments placés sur la liste des produits interdits. En résumé, il y a peut-être bien des tricheurs dans le tas, mais tous ces sportifs ne sont pas à englober sous le terme tricheur. Leur nom ayant été dévoilé, leur réputation est en tout cas entachée. Seront-ils dès lors toujours associés au mot dopage, même dans plusieurs années? Christine Anquet a posé la question à François Thibault. François Thibault, conseiller en images pour sportifs de haut niveau. Évidemment, ça laisse des traces. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'un sujet qui n'est pas le sport. On ne parle plus de performance, on parle de tricherie. Donc évidemment que c'est dans l'inconscient des gens et que ça va avoir des conséquences. C'est comme si vous dites de quelqu'un qu'il est raciste, sans avoir de preuves, d'une personne médiatique. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le long terme? Bien sûr, parce que dans l'inconscient des gens, ça, on va en parler. Et on va en parler beaucoup plus que de l'ératome qui dit que, ben, en fait, non, finalement, il n'y avait rien de vraiment très compromettant. Le relais de la presse sur les événements qui font du buzz est plus important que sur les corrections. On le voit bien de manière générale, de n'importe quel domaine. Les gros titres sont sur les sujets à scandale. Et en revanche, quand la presse a fait une erreur, a publié un petit peu trop vite sans avoir forcément enquêté, ben, c'est quand même moins mis en avant. Mais oui, les conséquences, c'est que dans l'inconscient des gens, ils vont se dire, bah oui, les athlètes sont pas propres. Une interview de Christine Anquet. En cyclisme, Peter Sagan est décidément inarrêtable. Le champion du monde et d'Europe s'est imposé au sprint cet après-midi lors de la troisième étape de l'Eneco Tour pour aller chercher la 87e victoire déjà de sa carrière. Et bien, le Slovaque a devancé Danny Van Poppel et Nasser Bouhanni. L'Australien Rohan Dennis conserve lui la tête du classement général avec 3 secondes d'avance sur Peter Sagan. Et on va parler de la ville de Rome qui refuse de soutenir la candidature olympique de la capitale italienne. Oui, la nouvelle maire de la ville de Rome, Virginia Raggi, a en effet annoncé qu'il serait irresponsable de soutenir cette candidature pour les JO 2024. Il n'y a donc plus que 3 villes candidates, Paris, Budapest et Los Angeles. Merci François pour ce journal des sports. Il est 18h15. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et avec vous aussi, tous les soirs jusqu'à 19h, on fait de la radio ensemble. Je vais vous parler d'une histoire complètement dingue dans quelques minutes. Avant ça, il y a Raymond de Genève qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Raymond. Bonsoir Cyril. Bienvenue sur Vivacité. On va parler nourriture avec vous dans un instant. Mais avant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez en ce que des médiums peuvent dire, en ces voyantes, ces voyants qui existent? Non, personnellement pas du tout, non. Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter dans un instant va peut-être vous faire changer d'avis. Il est question d'un chat qui a disparu et qui a été retrouvé grâce à une médium. On y revient dans quelques minutes. Et alors avec vous, Raymond, on parle de nourriture parce qu'il y a ce stage, cette colonie de vacances aux États-Unis dont le thème était la pizza. Ça réunit des amateurs de pizza, c'était ce week-end. Et pendant 48 heures, ils mangeaient autant de pizza qu'ils voulaient. Vous, Raymond, vous pouvez être dans une colonie où on mange ce que vous adorez. On y met quoi? On y sert quoi? Des makis. Des makis. Ah oui, des makis. Et je préfère les makis au sushi. Ah, c'est vrai, pourquoi? Question de présentation. Alors, expliquez bien. Donc, le sushi, on a le riz et le poisson au-dessus. Et le makis, c'est celui enroulé dans l'algue, c'est ça? Est-ce que vous êtes là, Raymond? Il y a une languette d'algue autour. Oui, c'est bon, ça. Les deux sont délicieux. Les deux sont délicieux. Mais le makis est plus facile, ça paraît. D'accord, et ben donc vous préférez, parce qu'il y a la présentation, c'est vrai qu'après on fait des petites couleurs, des trucs sympas avec ça, hein. ça donne bien. On peut faire tout ce qu'on veut, légumes, poisson, on peut faire la viande, faire tout. Alors on a un problème de téléphone, Raymond, je ne sais pas ce qui se passe, mais on entend un mot sur deux. Donc c'est peut-être le fait de manger des makis en même temps qu'on se parle, vous ne faites pas ça? Non, je suis en train de faire des pancakes là, pour l'instant. Ah, vous êtes sur autre chose, mais c'est très bon aussi ça. Oui, Raymond, en tout cas merci d'être passé par Vivacité, vous avez donné fin à tout le monde là. Une bonne soirée à vous. À vous aussi, à bientôt Raymond. Partagez ensemble, partagez à tous les auditeurs les plats que vous préférez et que vous pourriez manger dans une colonie de vacances, comme ces Américains l'ont fait, ou comme Raymond pourrait le faire pour des makis. 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTB. Je vous attends. Dans mon magasin de Roycebrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Voir conditions en magasin. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Et hop, le bon plan en septembre, c'est d'acheter une Citroën au Garage Pigeon. Garage Pigeon, 50 ans de Citroën, ça forge la confiance. Et durant ce mois de septembre, prime de reprise intéressante. 50% de remise sur les options et des offres alléchantes sur les véhicules de stock. Garage Pigeon, 59 rue Général Le Mans, Heiterbeek. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtre, porte, véranda. Abiome.be. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés. Ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes. Ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. On est toujours gagnant chez Intermarché et plus encore ce samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Vous désirez acheter ou rénover une maison? La Wallonie soutient votre projet. Access Pack, Eco Pack, Réno Pack. Avec le Fonds du logement de Wallonie et la Société Wallonne du Crédit Social. Des formules de crédit sur mesure. Infos et conditions 078 158 008 ou sur flw.be et swcs.be. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. J'avais pas vu Mirza. La la la la la. Bon, bah dans la chanson, Nino Ferrer cherche un chien. Mais je vais vous parler de l'histoire de Chantal. Chantal, elle avait perdu son chat. Et si on en parle ce soir dans le 5 à 7, parce que c'est parce que l'histoire est quand même assez hallucinante. Chantal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7, Chantal. Alors sur Facebook, vous avez publié il y a 48 heures, un peu plus de 48 heures, un avis de disparition de votre chat. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, Chantal ? Eh bien, en fait, mon chat a disparu dimanche. C'est un chat, je précise, qui n'allait pas plus loin que mon jardin, celui du voisin. C'est un chat de race. Ouais. Et donc, il a disparu mystérieusement. Donc, on a mis des annonces partout, dans la rue. J'ai appelé la police, enfin partout, parce que on sentait bien qu'il était arrivé quelque chose de particulier à ce chat. Donc moi, j'ai fait que chercher, parce que bon, pour moi, dans ma tête, ce chat avait été blessé par un vélo, une voiture, et donc était caché quelque part, blessé. Donc j'ai cherché pendant 3 jours, enfin dimanche, lundi, mardi. Ouais. Je ne l'ai pas trouvé. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, on va venir t'aider à chercher parce qu'on a un ami médium qui nous a dit que ton chat, il était encore en vie, mais qu'il était dans pas loin. Et donc, ça, c'est dingue, déjà. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ça m'interpellait. Puis je me dis, écoute, moi, je connais une voyante. Bon, qui risque rien, je vais l'appeler. Et donc, je l'ai appelée, elle a tiré les cartes. Et donc, là-dessus, elle m'a expliqué qu'en fait, mon chat, il a été pris, qu'il est quelque part, qu'elle le voit dans une maison, qu'il va bien, mais qu'il ne saura pas sortir, que je dois continuer à le chercher. Et elle m'a décrit plus ou moins où se trouvait le chat. Et donc, on est allé... aux deux endroits qui ressemblaient à ce qu'elle avait dit. Sans connaître forcément l'endroit où vous vivez, quoi. Donc c'est vraiment... Oui, c'est des endroits où j'aurais jamais pensé même aller chercher. Je ne suis jamais passée même par là. Et donc, en fait, on a entendu dans un des deux endroits qui ressemblaient à ce qu'elle a dit, on a entendu un chat miauler. On a sonné parce qu'on a vu de la lumière. On ne nous a pas ouvert. Et quelques heures après, le chat était de retour. C'est hallucinant, cette histoire. Donc quelqu'un qui ne sait pas où vous vivez, décrit une maison qui est près de chez vous, une maison à laquelle vous ne pensez même pas, et votre chat était à l'intérieur. Depuis, donc, tout va bien, votre chat, vous l'avez récupéré. Ah oui, je l'ai récupéré, tout va bien, et on est super heureux, et je précise que cette personne n'est jamais venue chez moi, donc elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a aux alentours de chez moi, ni rien. Quoi. Donc, cette histoire peut paraître complètement dingue. Vous croyiez en la voyance avant ? Mais écoutez, quand j'étais jeune, j'avoue que j'y croyais très fort. Là, ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai pris un pied chez une voyante. Et que là, c'est vrai que ça m'a... on n'en revient pas nous-mêmes, quoi. Ça, c'est hallucinant. Effectivement. Ouais. Au final, l'histoire se finit super bien grâce à l'aide de cette voyante. Alors, au 3063, si ça vous est déjà arrivé, dites-moi si vous y croyez ou pas. En tout cas, en l'occurrence, là, c'est vrai, puisque c'est, voilà, ça s'est passé et vous avez récupéré votre chat il y a quelques heures. Oui. On a bien vu que ce chat était à l'intérieur, il sentait le parfum, il était tout nickel, il n'avait pas un brin d'herbe sur lui, donc il était tout chaud, donc on venait de le relâcher d'une maison. Et on voyait bien que ce chat n'a pas été 3 jours dehors. Et cette maison, donc décrite par la voyante. La voyante, elle sera avec nous dans un instant, elle va nous expliquer comment elle a pu retrouver ce chat sans absolument connaître le quartier où vous êtes. Cette histoire est hallucinante. Il y a plusieurs médias qui vous ont contacté, donc demain ce sera dans l'actualité. Merci d'être passé ce soir, en tout cas ce soir, dans le 5 à 7, Chantal. Je vous souhaite une bonne soirée et plein de bonheur avec le chat qui s'appelle comment ? Kenzo. Voilà, Kenzo va passer des bons moments, plein de câlins pour les retrouvailles. Bonne soirée Chantal, merci, à bientôt. Dans quelques minutes, donc, nous allons avoir la voyante qui a indiqué la maison sans absolument rien connaître de la vie donc, de Chantal et qui a permis de retrouver le chat. Juste avant, vous le savez, c'est le rendez-vous à 18h25. 5 à 7. Comme tous les soirs dans le 5 à 7, j'ai le plaisir d'accueillir Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Ce soir, un petit moment chauvin. Un petit moment chauvin avec une glace au goût ketchup mayo. Ça démarrait bien. C'est beau, c'est très très beau. Glace, c'était chouette. Ketchup mayo. Attendez le grand écart. Chauvin classique ketchup mayo et ça vient des Philippines. Est-ce que c'est pas un clin d'œil formidable ? Donc, direction les Philippines. Vous avez deux glaciers là-bas, deux chefs glaciers, deux chefs de resto qui se sont spécialisés dans les glaces. Donc, ils ont quand même un certain background. Il y a Miko Aspiras et Christine Lotila. Et ils se sont lancés dans la confection de glaces aux parfums originaux de manière générale. Il n'y a pas que la ketchup mayo. En tête de leur succès, vous avez la glace maïs fromage. Ça fonctionne méga bien. Et vous avez la glace au beurre. Glace au beurre ? Ouais. Oui, la glace au beurre. Ça doit être léger, cette histoire. C'est moelleux. Voilà. Et donc, l'idée, leur truc, c'est quand même assez bien ficelé, c'est que ces glaces sont servies avec un accompagnement chaud, toujours. Des churros, une gaufre, du bacon, peu importe. Donc, votre glace au beurre, vous n'allez pas la manger telle qu'elle. Churros mayo ketchup, quoi, du coup. Ben là, ce serait frites mayo ketchup, en l'occurrence. Voilà. Donc, ils sortent cette glace mayo ketchup qui est servie directement avec un sachet de frites. Donc, si on veut visualiser l'expérience, vous recevez une glace crémeuse au goût. Vous avez un petit peu d'aigre-doux de tomate à l'arrière-bouche. Vous avez la texture moelleuse de la mayo dans laquelle vous trempez vos frites. Et vous avez un chaud-froid qui est supposé être réussi et qui, honnêtement, si on arrive à se projeter, ne doit pas être exécrable. Ça doit être différent, ça doit être une expérience, c'est de la curiosité gastronomique. J'essaye de mettre des gants jusqu'au coude, et ça remonte même jusqu'aux épaules, mais en même temps, honnêtement, il y a moyen. Je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Et ça se passe chez Freezer Burn, et ça pourrait en inspirer plus d'un de par chez nous, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, il y a déjà plein de restos qui font des glaces avec des goûts plutôt originaux. Exact. Et mayo ketchup, ça doit être dur à passer quand même. Mayo ketchup sur un entremets chaud, qu'il soit, ça pourrait le faire. Et je vous invite à découvrir leur site, leur groupe Facebook, leur page Facebook, facebook.com/freezerburnph pour Philippines. Et vous allez avoir des photos, des photos qui vont vous faire envie, des photos qui vont vous faire peur. Il y aura les deux. Allez faire un tour. Il y a les deux. Merci beaucoup Candice et à demain. À demain. Barbara Streisand. Dans quelques minutes sur USIT, on aura une future star de l'humour. Quand je dis future, il y en a beaucoup qui le connaissent déjà et qui l'adorent. Kevin Radzi, que vous avez peut-être déjà vu à la télé, sera l'invité de ce 5 à 7 dans quelques minutes. Il sera bientôt en spectacle, en one-man show, un peu partout en Belgique. On y revient dans quelques instants sur USIT. Je vous rappelle qu'il y a du cadeau à gagner aussi ce soir. Vous repartez avec votre vélo, assistance électrique, ça c'est bien ça, pour pas se fatiguer non plus. À l'occasion de la semaine de la mobilité en Wallonie, vous envoyez mobilité par SMS au 6003 pour vous inscrire, c'est 75 centimes le message. Pierre rejoint sa toute nouvelle Seat Ateca les mains chargées de courses. Max, son fils, se précipite pour l'aider. J'ouvre le coffre, pas ? Laisse, je vais le faire avec mon pied. Les voici maintenant sur la route. Attention, pas, il y a une voiture qui nous dépasse, là. T'inquiète, mon rétroviseur m'a déjà prévenu. Arrivé dans leur rue, Max lui dit... Là, regarde une place, ça va aller ? Demande à ma voiture, elle se gare toute seule. Bon, si ta voiture fait tout, je peux la conduire. Ah, c'est ça. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 €. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte? Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ben oui, déchaînez-vous. Mais enfin chérie, qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clos, ça va une heure, mais une semaine, là je peux plus, j'en ai plein les palmes, j'en ai ras le bol. Alors toi tu restes si tu veux, mais moi je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Aux Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa-Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes. Sessions sur piste, parades et bien plus encore. Inscription et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. Vous souhaitez vivre à Waterloo dans un appartement neuf, alliant confort moderne et proximité des commerces? Venez découvrir les jardins de Wellington et ses appartements immédiatement disponibles situés au 650 chaussée de Bruxelles. Remise exceptionnelle lors de la journée portes ouvertes ce dimanche 25 septembre de 10 à 17h. Plus d'infos à l'agence immobilière Trier Waterloo. Des carrelages, parquets et pierres naturelles. Quadrus Waterloo, Wavre et Zaventem. Plus d'infos sur quadrus.be. Il est 18h30, voici les titres de l'actualité, c'est avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Jean-Claude Marcourt valide les décisions de justice favorables au reçu collé. Le ministre de l'Enseignement supérieur autorise les étudiants qui ont réussi leurs examens de fin de première, mais pas le concours filtrant pour les numéros INAMI, à s'inscrire en deuxième bac. Cette autorisation vaut tant pour ceux qui se sont tournés vers la justice que pour les autres. Seule condition, avoir validé au moins 45 crédits sur 60. Ces décisions de justice sont tombé hier en faveur des reçus collés en médecine. Cette bonne nouvelle, si vous utilisez votre téléphone portable à l'étranger, ailleurs en Europe, la Commission européenne annonce la fin des frais de roaming, ces suppléments lorsque vous téléphonez depuis l'étranger ou que vous allez sur Internet à l'étranger. D'ici le 15 juin prochain, les frais ne vous seront plus comptabilisés. La Commission européenne attend toutefois l'avis des États membres et des régulateurs nationaux avant d'adopter le projet, sans doute mi-décembre. Il quitte la NVA, Hendrik Wuy, et vers le Waters claque la porte du parti nationaliste. Il n'accepte pas que Bart De Wever puisse envisager un gouvernement Michel II en 2019 sans programme communautaire. Ils l'ont fait savoir ce week-end haut et fort. Une nouvelle réunion s'est tenue aujourd'hui. Les deux députés s'en vont. Dans leur communiqué, tous deux soulignent vouloir regarder vers le futur et créer un nouveau cadre pour continuer leur projet communautaire. Et puis Cyril, une info au football, ça va vous plaire. Suite et fin des 16e de finale de la Coupe de Belgique ce soir, 14 matchs au programme. Bah oui, ouais. Il y en a une tranche qui est soustraite au trafic à cet endroit et ça coince également très fortement en amont de cet accident, donc compte être ralenti dès Strombeek même avant, et vous perdez sur ce tronçon du ring entre Zaventem et Grand Bigard environ 1h20, c'est très conséquent, soyez patients si vous êtes dans ces files. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0840. Et reprendre en fait une petite correction, c'était justement le contraire. C'est qu'elle habitait dans un endroit où il n'y a que des maisons et qu'il n'y avait pas d'appartement. Et que moi, j'insistais dans le sens où c'était une maison qui était divisée en deux. D'accord. Avec des appartements. Et c'était ça justement qui était le paradoxe par rapport à ce quartier. Sans connaître le quartier où vivait Chantal. Et c'est dingue, ça. Et comment ça se passe? Parce que pour ceux qui ont du mal à y croire, et je vous avoue, même si ici, là, il y a un bel exemple qui nous montre que bah, vous ne pouviez pas quand même avoir toutes ces infos à moins d'avoir volé vous-même le chat, mais c'est difficile à comprendre que vous ayez cette info. Comment est-ce que ça se présente? Vous avez des images, il y a une voix, comment ça se passe? Ça se passe que j'ai un ressenti un petit peu particulier dans le sens de la banque. Donc, juste Hélène, je ne sais pas si vous avez un kit main libre ou un haut-parleur, on vous entend assez mal. Est-ce que vous pouviez juste parler bien dans le téléphone histoire qu'on vous comprenne bien? Là, vous m'entendez bien? Parfaitement. Voilà, donc en fait, à la base, moi je suis HP émotionnel, dit très humblement. Et donc tout ce qui est ressenti, empathie, altruisme, tout ça, est décuplé. D'accord. Je ne sais pas expliquer, et c'était mon ressenti, j'allais dans une intuition. On a 5 sens dont on peut avoir le contrôle, et il y en a un dans lequel on n'en a pas. Et je pense que ça a dû être ça, dans un lâcher-prise total, j'ai été uniquement dans ce que je ressentais. Ah bah ça c'est hallucinant, je pense que tout le monde a ce potentiel-là. Et il faut le travailler, il faut se mettre dans un état particulier alors pour pouvoir le faire, parce que c'est quand même, enfin tout le monde, là c'est un chat, mais imaginons, on perd ses clés, on ne sait pas où elles sont, on n'a pas le ressenti de savoir où elles ont été déposées, ou qui les a prises. Dès qu'on a le lâcher prise, si, on peut les retrouver, bien sûr. Mais comment on fait pour se lâcher prise alors? C'est à un certain moment, c'est arrêter de faire fonctionner que la raison, d'avoir du contrôle que sur sa réflexion et sa raison. Et là, on saura exactement comment, où se trouvent les choses. Et ben ça, c'est assez hallucinant. En tout cas, cette histoire de mal sera entre autres à lire, je sais, dans l'ADH. Merci Hélène d'être passée ce soir dans l'émission. Et moi je suis bluffé par cette histoire, parce que vraiment, ne pas savoir où vit Chantal et puis pouvoir désigner l'endroit où se trouve son chat, dans quel état il est, à quel endroit exactement, et qu'on le retrouve. Bravo Hélène, merci pour Chantal, et on vous appelle si jamais on perd quelque chose alors, d'accord? Je serai disponible. C'est gentil, Hélène. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça apporte du bonheur aux gens, c'est ça le plus important. Eh ben, effectivement, ici en l'occurrence, je pense que Chantal et toute la famille sont très heureux. Merci beaucoup, Hélène. Je vous souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée. Il est 18h37 avant d'accueillir Kevin Radzi, l'invité de cette émission. Voici l'histoire de Void, c'est Pop Story avec Marc Toesca. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Il y a tout juste 20 ans, sortait sur les écrans le premier volet de l'adaptation cinéma de Mission Impossible. Mission Impossible forme des experts très déterminés. Réalisé par Brian De Palma, on retrouve à l'affiche de ce film Emmanuel Béard, Jean Reno, John Voight et bien évidemment Tom Cruise qui est aussi à l'origine de ce projet. On n'a jamais été présenté, je me trompe. Véritable Madeleine de Proust pour les enfants de l'ORTF, Mission Impossible, c'est encore l'occasion de retrouver son thème musical écrit par Lalo Schifrin il y a un demi-siècle. Et de podcaster Pop Story sur francebleu.fr. My name is Bond, James Bond. Espions, agents secrets ou doubles ont toujours eu la cote auprès des auteurs de tout poil. Qu'ils bossent pour la CIA, le KGB, le MI5 ou 6, leurs exploits captivent les foules et sont déclinés en séries, films et chansons. Eddie Mitchell, fan de Sinoche, ne se prive pas de leur tailler un costard sur mesure dans sa chanson « Chou Chou Chou Boogie, espion bidon » sortie en 75 sur l'album « Made in USA ». Moi, j'ai trouvé du travail à la CIA. Je dois remplacer l'espion qui venait du froid. Soyez indulgents, je débute dans le métier. C'est ma première mission et je suis intimidé. Mais j'ai sur moi le mot de passe qui doit me guider. À tous les espions du quartier, c'est tchou-tchou, tchou-tchou-tchou boogie, wou-wou. Dans un autre genre et quelques années plus tard, Shakira aborde un tout autre aspect de l'espionnage. Quand une personne vous observe cachée derrière les stores ou par le trou de la serrure, on appelle ça du voyeurisme. Est possible votre ami ne pas regarder par la fenêtre, per favore? Quand on sait comment bouge la bombe colombienne, on comprend aussi pourquoi certains sont prêts à tout pour l'avoir répété sa version latine de la danse du ventre. Fait chaud, non? On retrouve dans nos charts et autres hits parades des tonnes de chansons inspirées de héros de films et de romans d'espionnage. À l'époque encore récente où l'Europe était divisée en deux, Est et Ouest, le groupe anglais Matt Bianco cartonnait dans notre top avec Whose Side Are You On, de quel côté es-tu ? La chanson prend un tout autre sens lorsqu'on apprend que sa chanteuse Bachia est née et a grandi en Pologne, de l'autre côté du rideau de fer. In Rome.

Non, mais hey, tu penses à un humoriste syrien? C'est chaud quand même de rigoler de ça, non, Kevin? Non, parce qu'en fait, je pense que c'est important de le faire pour éviter justement d'avoir des frustrations, de faire des amalgames. Et c'est une espèce de soupape. L'humour, c'est un peu comme un relaxant. Il n'y a pas un moment avant de monter sur scène où on se dit quand même, j'ose ou j'ose pas? Non. Honnêtement, non, parce que c'est pas de l'humour noir, en fait. C'est un sujet sensible, mais il n'est pas abordé de façon sale avec... je sais pas, j'ai pas parlé de corps qui se déchique sous les bombes, des trucs vraiment hardcore. Ouais. Moi, c'est pas trop mon genre. Ouais. Ah bah. C'est plus subtil que ça, je pense. Justement, votre genre sur scène, pour qu'on aille vous voir, donc ce sera le 19 novembre au Wall à Bruxelles. On va retrouver quoi sur scène? Comment est-ce que vous pouvez faire votre propre promo? Vous avez votre spot pub là maintenant, on met quoi dedans? Et là, dans ce spot pub, je dirais que mon spectacle, c'est une mise à jour de la société. Comme sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs, de temps en temps, il faut se mettre à jour. Et là, c'est pareil, je propose une vision de la société, parce que je trouve qu'elle a changé depuis que je suis sur cette terre. Et du coup, je propose ma vision de tout ce qui se passe en politique, dans la vie de tous les jours, etc. Donc, on découvrira tout ça sur scène le 19 novembre. Vous avez déjà joué en Belgique? Oui, c'est la quatrième fois. Ah bah vous êtes un habitué de la maison alors. King of Comedy j'ai fait, voilà, dans le quartier d'Ixelles. Voilà, et là, alors c'est un endroit très sympa, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aller vous voir là-bas, parce que c'est petit, là vous êtes dans une plus grande salle maintenant cette Exactement. Fois-ci. Exactement, donc je suis super content. Oh bah, on sera plus à pouvoir en profiter. À propos de la Belgique, tant que vous êtes là, qu'est-ce qui vous plaît vachement chez nous? Parce que je sais que vous avez énormément de fans en Belgique, mais est-ce que vous êtes fan de la Belgique, Kevin? Oui, surtout de la mentalité et la simplicité des gens, parce que quand on vit à Paris, on a l'habitude de voir des gens faire la gueule et de parler à personne. Ouais. Et ici, c'est tout l'inverse et juste ça, c'est tellement agréable. Donc vraiment, je suis super fan de la Belgique. Bah, partez de Paris, venez vivre chez nous alors. Ben je me tâte, en plus, c'est vrai que les impôts sont moins élevés. Donc C'est vrai qu'en plus, il y a de plus en plus de Français qui débarquent. Et puis, vous avez un des potes des médias en France, Arthur, qui vit chez nous aussi. Vous serez bien. Mais c'est vrai. Il faudrait peut-être que j'emménage chez lui. Demandez, il n'est pas tout le temps à la maison en plus. Donc, on ira vous voir le 19 novembre au Wall à Bruxelles. On met toutes les infos sur vivacité.be pour qu'on puisse réserver. Et puis, n'hésitez pas, quand vous venez en novembre, passez en vrai dans le studio, d'accord? Ah oui, avec grand plaisir, pas de souci. Eh ben on fait ça. Merci Kevin. À bientôt, bonne soirée. Merci beaucoup. Il est 18h49. Il y a les enfants de cœur qui arrivent dans un instant sur Vivacité, les meilleurs moments de l'émission de dimanche. Et puis juste avant, on va parler un petit peu de nourriture. On va parler des box à cuisiner pour manger plus sainement. Le concept est nouveau, il va arriver bientôt chez nous. L'idée, c'est d'avoir des box. Ben vous avez vos ingrédients qui sont prêts, il n'y a plus qu'à cuisiner à la maison. Toute la sélection a été faite par des spécialistes pour pouvoir manger le plus sainement possible. Steven Bakers, qui est un des fondateurs du projet, est avec moi ce soir au téléphone. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'est bien ça. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être ce soir l'invité de cette émission. Alors, ça va s'appeler Nude. Et donc, le concept, ouais, c'est ça, c'est manger sainement, mais sans se prendre la tête, sans aller faire les courses, en gros. C'est bien ça. Donc, Nude, en fait, c'est la composition de nutrition et food. Ouais. Et c'est notre concept qui est né de deux constats assez simples. En fait, le premier, il est personnel, mais je pense que beaucoup de personnes se sont déjà retrouvées dans cette situation. C'est tout simplement le manque d'inspiration quand il s'agit de faire les courses et de cuisiner un repas. Mmh. Le second constat, c'est qu'on voit de plus en plus de troubles physiques liés à la façon dont nous nous alimentons aujourd'hui. Ouais. Donc il y a de plus en plus de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité. Et on a donc voulu, avec mon cousin, créer un concept qui guidera les consommateurs vers une alimentation facile à préparer, plus saine et plus variée. Et on en est arrivé à notre concept de nutrition innovante, Nude. Et ça va fonctionner comment? C'est-à-dire qu'on sera à la maison, la box arrivera toute prête ou il faudra venir la chercher quelque part? Alors, il y a les deux possibilités. On a notre magasin qui est situé à Bruxelles sur l'avenue Louise et qui ouvre mardi prochain. D'accord. Et il y a notre e-shop, donc, sur lequel le client peut commander les produits et se faire livrer dans la journée sa box et tous les produits qu'il y a en magasin. Donc, il y a plus de 500 produits dans le magasin, mais